France de... Bonjour tout le monde, un autre printemps est peut-être possible, on voudrait y croire en tout cas en ce lundi 16 mars. Merci de nous rejoindre si tôt pour ce réveil culturel. Cette semaine, vous le savez, s'ouvre le Salon du Livre. On va donc beaucoup parler sur France Culture des auteurs, des éditeurs, du pays invité, le Brésil, des crises dans le domaine de l'édition. Dans Un autre jour est possible, on vous propose de découvrir de l'intérieur, si j'ose dire, le monde discret et ô combien important des traducteurs. Notre tête chercheuse de la semaine est traductrice. Bonjour Christina Ferrière. Bonjour. Merci d'être avec nous toute cette semaine pour la nouvelle série « Traduire ». Être soi dans l'ombre d'autrui. Mais d'abord, une petite présentation. On s'est croisé la première fois autour de Pessoa, que vous avez traduit, et vous m'avez parlé passionnément de votre travail. C'est pour ça qu'on voulait vous entendre plus longuement. Et puis, vous m'avez dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Vous m'avez dit, des fois, mon travail de traductrice peut ressembler à un véritable travail de détective, quand, par exemple, on est obligé, pour traduire Toni Morrison, de faire carrément un voyage dans son pays, dans son imaginaire. Oui, mais je crois que le voyage dans l'imaginaire de l'auteur, en fait, est la condition sine qua non de toute traduction, parce que ce texte, on va s'en imprégner, ce texte, on le vit, quelque part. Donc la recherche a ce point de départ, mais il va falloir aussi, bien entendu, pouvoir trouver comment restituer, c'est là, en fait, ma grande quête, comment restituer, via les moyens qu'offre la langue française, ce qu'a voulu dire et ce qu'a dit l'auteur. Et bon, toute la difficulté est là. Oui, il y a de la détection dans le sens du détective. Oui. Et puis en deuxième partie, aujourd'hui, une écrivaine qui est aussi une collègue à vous, puisqu'elle a traduit d'autres auteurs, elle aussi, Natacha Apana, qui sort chez Gallimard, En attendant demain, un roman. Mais d'abord, tête chercheuse... Traduire, être soi dans l'ombre d'autrui avec Christine Laferrière. Aujourd'hui, premier épisode, comment en vient-on à traduire avec un point d'interrogation ? Máma mňinka neví, ani vědět nesmí, za kým mé srdenko ve dně v noci teskní. Als wäre es der junge Mann, den mir sie backen vollen hat. Těžko jeně, těžko. It was very imprudent of him. Na mojem srdénku, jak by něho svázal hedvábnou šňůrečku. But when Barry saw the splendor of the Chevalier's appearance, the nobleness of his manner, he felt it impossible to keep disguise with him. En fait, je ne m'étais pas destinée tout d'abord à la traduction, je n'avais pas cette profession du tout en vue, mais tout a commencé par une grande histoire d'amour avec l'anglais que j'ai rencontré très jeune, en fait. Et donc cet amour de la langue anglaise m'a poussée très très vite à fréquenter, si j'ose dire, la langue assidûment, et je me suis rendue compte, même sans être capable, évidemment, de le formuler dans ces termes-là à l'époque, que dire quelque chose ou comprendre quelque chose dans une langue étrangère, c'est appréhender la réalité différemment. Autrement dit, que vous avez un système de pensée autre, ou du moins vous avez une pensée humaine qui repose sur d'autres supports. Et c'est un ressenti extrêmement intense, et c'est donc une autre façon d'être soi que de parler ou de pratiquer, de comprendre une langue étrangère. Donc il y avait ce rapport très fort à l'anglais, et puis j'ai eu la chance aussi inouïe, je crois, à notre époque, de faire des langues mortes. Et donc c'est là que je peux prétendre avoir appris à traduire, parce que le niveau de grammaire requis et enseigné était extrêmement élevé. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que ce qui traduit la langue, ce qui traduit les mots, ce sont les dictionnaires et jamais les gens. Et petit à petit, on se rend compte, en fait, surtout dans l'abord de la culture classique ou antique, du pouvoir de la langue, du fait qu'on traduit une phrase, on traduit un paragraphe, on traduit un texte, on traduit un pouvoir, quelque part. Et c'est quelque chose que je trouvais assez fascinant, l'approche de la rhétorique et puis aussi la découverte de l'étymologie. Et donc, c'est ce qui m'a poussée, lors de mes études d'anglais, à me spécialiser dans l'anglais médiéval, parce que je voulais connaître un petit peu le cheminement des mots, l'origine, je trouvais ça extrêmement émouvant, et puis aussi pour avoir un accès direct à des textes anciens, qui étaient un petit peu fascinants. Et ce qui est très drôle dans mon cas, enfin, c'est comme ça que je le perçois maintenant, c'est qu'à l'époque, quand on disait qu'on étudiait l'anglais médiéval, on s'entendait répéter à l'envi que cela ne servait à rien, comme s'il s'agissait d'apprendre cette langue pour la pratiquer, alors qu'il s'agissait de l'apprendre pour la comprendre, en fait. Et donc, bon, moi, ça ne m'a jamais empêché de poursuivre, bien au contraire. Mais on va voir pourquoi, par la suite, ça s'est avéré utile. Donc voilà, ça, ça a été mon rapport à l'anglais poussé jusqu'au bout. Je vais opter pour l'enseignement, pour des raisons tout à fait pusillanimes et peu honorables, qui était l'indépendance financière. Et en rapport peut-être aussi avec le statut de la femme tel qu'il était conçu durant ma génération, durant ma jeunesse. Moi, je suis une enfant des années 70, donc tout n'était pas fait encore pour le confort et la liberté, et la reconnaissance des femmes. Et puis donc, voilà, j'ai commencé à enseigner. Il m'est arrivé un incident absolument heureux. C'est qu'un jour où j'aurais pas dû me trouver dans la cuisine chez des amis, j'ai entendu des gens parler une langue qui m'a fait un effet tout à fait extraordinaire, que je n'aurais pas su situer hein, sur une carte du monde. Et donc... C'était le portugais ? C'était le tchèque. C'était le tchèque. C'était le tchèque. Et je suis tout à fait désolée de faire cette infidélité, la langue de l'invité d'honneur du Salon du Livre, mais je dois dire que c'était le tchèque. Et non le tchécoslovaque, comme je le dirais certains. Bon. Alors... Ces gens-là parlaient un français absolument remarquable. C'était des étudiants qui allaient se regagner assez vite leur pays. Et donc, je leur ai demandé de me donner des mots, des phrases comme ça dans leur langue. Il y avait quelques consonnes qui me paraissaient tout à fait sublimes. À tel point que lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ils m'ont envoyé un manuel d'apprentissage international, une méthode extrêmement bien faite, mais courte. J'en étais émue aux larmes. Et donc la seule façon pour moi de les remercier de ce cadeau, dont j'imaginais qu'il leur avait coûté de l'argent et du temps, c'était de m'y mettre tout de suite. Et quand j'ai tout de suite, c'était le soir même. Je suppose que c'était bien sûr avant la chute du mur de Berlin, tout ça. Non, ça s'est passé en 95. En 95. En 95. Mais, cela dit, les méthodes de langue des anciennes républiques socialistes, si j'ose dire, n'étaient pas très très élaborées en France, il y en avait très peu. Ces langues slaves, donc rares, et parlent uniquement de leur pays, c'est ça aussi qu'il faut voir, d'être enseigné dans quelques universités en France, et puis sinon à l'INALCO. Moi, je commençais à travailler, je ne voulais pas retourner, je n'aurais pas eu le loisir de toute façon de retourner sur les bancs de l'université. Et le problème est que quand j'ai terminé cette langue, j'avais encore faim. Mais en France, il n'existait pas grand-chose, même en 95. Donc, je suis allée en Angleterre et lors d'un séjour, j'ai réussi à acquérir d'autres méthodes, des dictionnaires, donc, qui m'ont permis de poursuivre en autodidacte. Et donc, j'ai continué avec acharnement, puis je suis allée dans le pays, puis j'ai acquis d'autres dictionnaires, puis j'ai acquis des romans dans la langue. Et j'aimerais vous poser la question, mais pourquoi, au-delà de la beauté de la langue, pourquoi vouloir maîtriser le tchèque ? Je crois que cette aventure, c'est une sorte de triomphe de la gratitude, quelque part. J'ai trouvé que cette langue était très belle, et puis il est vrai aussi qu'en se renseignant un petit peu dès le départ, on voit que la littérature tchèque, finalement, elle existe, bien entendu, mais qu'elle est très peu traduite chez nous, et je m'étais dit que ça pouvait être aussi un accès direct à une littérature à laquelle, par définition, nous n'avions pas accès. Donc cela m'intéressait. Et puis, je crois donc que quand traduire, on aime les c'est langues, pas le but, c'est l'alibi. Alors, non, en fait, pas du tout. Pour apprendre d'autres langues. Non, parce que je n'étais pas encore au stade de la traduction. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que toujours en ignorant les détracteurs qui me disaient que le tchèque ne servait à rien, j'ai poursuivi. Et à ce moment-là, quand je suis arrivée à une certaine maîtrise de la langue tchèque, l'anglais médiéval revient parce qu'on me propose, une fois encore tout à fait par hasard, la traduction de textes inédits de Tolkien relatif à la langue et à la linguistique et à la littérature médiévale, et qui n'avait pas trouvé preneur, c'est-à-dire qu'on cherchait un traducteur et pour des raisons que j'ignore, en fait, on n'en avait pas trouvé. Et comme pour bien traduire un texte, il faut bien connaître le sujet, il faut le maîtriser, il se trouve que j'étais désignée par le hasard comme une traductrice possible de ces textes, et c'est ainsi que je suis rentrée dans le monde de la traduction. C'était ma première aventure. Donc, par la grande porte, excusez-moi de vous le préciser, Christina Verrière. Par la grande porte, mais aussi grâce à une rencontre fortuite. Je frémis encore à l'idée que j'aurais ne pas pu la faire. Donc, à cet égard, si vous voulez, je n'avais rien préparé, ce n'était pas du tout quelque chose de prévu. Quand on m'a proposé la mission, il était impensable de ne pas l'accepter, mais en même temps, j'aurais jamais conçu que je puisse le faire. Donc, cette mission, je l'ai accomplie correctement. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai rendu le travail, j'ai éprouvé un sentiment de vide incommensurable. Je crois que c'était le désarroi avec un D majuscule, et je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Et c'est là que je me suis rendu compte, finalement, que j'avais attrapé le virus. Donc, c'est une vocation. C'est une vocation tardive, parce qu'en fait, le hasard peut-être m'a appelé, je ne l'ai pas senti moi-même m'appeler. Et c'est là que je me suis dit que si je n'avais pas dans l'immédiat d'autres demandes de traduction à faire, je pouvais moi-même en proposer. Et c'est là que le tchèque est intervenu, parce que j'ai fait des propositions de traduction de tchèque, sachant que, vu que c'est une langue parlée par peu de monde, qu'il y a forcément moins de livres et qu'il y a forcément moins d'agents, si encore il y en a pour ces langues rares, je pouvais éventuellement susciter un intérêt, que ma proposition n'allait pas se noyer dans un flot d'autres textes, et il se trouve que deux de ces propositions ont été retenues. Ce qui m'a permis d'assouvir ma faim, si j'ose dire, de continuer à traduire en attendant que l'anglais revienne, que les propositions de traduction de l'anglais reviennent. Et c'est ça qui s'est passé. Intéressant, Christina Ferrière. C'est pour ça que je voulais vous entendre, parce que on ne fait pas seulement ce métier pour traduire. Là, en l'occurrence, vous avez été attaché de presse de quelques auteurs tchèques. Vous êtes allé voir des éditeurs et vous les avez persuadés qu'il faut les traduire, non ? En fait, c'est beaucoup plus modeste comme entreprise. Je me suis enfermée dans mon bureau. Je me suis dit qu'il fallait que j'élabore une maquette. J'ai traduit des extraits, j'ai présenté le livre. Et puis j'ai envoyé en me disant « je lance une bouteille à la mer ». Il se trouve que, voilà, ça a été pris. Mais j'ai eu un flair sur certains ouvrages, pas sur d'autres. Et voilà, c'était une démarche uniquement personnelle, mais il est vrai que concernant la littérature de petits pays, puis qui n'est pas non plus forcément susceptible de plaire au lectorat français, il faut bien voir ça, c'est vrai que j'avais assez peu de concurrence finalement. Donc voilà, je l'ai fait toute seule, et puis voilà, il se trouve que dans certains cas ça a marché, et c'est pour ça que le tchèque, langue qui au départ ne servait à rien, m'a permis finalement de continuer à rentrer, si j'ose dire, poursuivre mon chemin dans la voie de la traduction. Et c'est ce que vous avez fait, Christine Laferrière. Et après, comment ça s'est enchaîné ? Écoutez, après, Tolkien est revenu, et puis d'autres propositions de traduction ont suivi. Donc voilà, j'aimerais remercier chaleureusement et infiniment Dominique Bourgois de continuer à m'accorder sa confiance, qui est un des biens les plus chers que j'ai en ce monde. Et voilà, je poursuis au rythme d'environ, on va dire, deux traductions publiées par an, parce que bon, j'enseigne toujours à côté, je n'ai jamais cessé d'enseigner. Et je suppose que vous êtes obligée d'enseigner, à côté de votre métier de traductrice. On ne vit pas de traduction ou de traduire deux textes par an. Je ne sais pas, c'est juste pour avoir une idée. Il est vrai que non, je n'en vivrais pas, mais même si j'avais un rendement supérieur, ma pusillanimité me ferait rester incontestablement dans la fonction publique. Hedvábnou šňůrečku tu rozvázat můžeš, na tebě šohajku zapomnět nemůžeš. Jednou zapomenu, jednou vzpomenu, po třetí, můj milý, slzy ma poleju. Alors aujourd'hui, quels sont les auteurs que vous avez déjà traduits ? Par ordre d'apparition, pour n'en citer que quelques-uns, j'ai traduit. Donc Tolkien, je l'ai dit, j'ai... Un auteur tchèque ? Oui, un auteur tchèque. Alors, Martin Schmaus, qui était paru aux éditions des Sirtes, Kvitare Gatova, qui est paru chez Noir sur Blanc. J'ai traduit, le dernier Toni Morrison. Voilà, j'ai traduit donc les nouvelles rédigées en anglais par Fernando Pessoa, j'ai traduit Margaret Drabble, parmi quelques-uns. Pour le tchèque, je suis sollicitée à peu près une fois par an pour faire des surtitrages, des choses comme ça. Vous parlez combien de langues ? Alors, activement, je pourrais dire trois, j'en lis plus, parce qu'il est plus facile évidemment de lire. Et activement, les trois, c'est français, anglais, tchèque, c'est ça ? Oui, puis une once d'espagnol à un niveau moyen, maximum moyen, parce que j'ai quand même quelques restes, j'avais appris l'espagnol aussi. Direz-vous que vous avez aimé tous les textes que vous avez traduits, Christine Laferrière ? Oui, j'ai eu cette chance, oui. D'ailleurs, si je ne les avais pas aimés, je crois que je ne me serais pas permis de les accepter. Donc, voilà, je crois que le mérite de l'éditeur, c'est aussi de savoir choisir les traducteurs par rapport à certains textes, et bon, savoir que telle personne serait plus à l'aise ou traduirait mieux que telle autre, telle atmosphère, telle ambiance, tel auteur, la littérature de tel pays, voilà. C'est quoi pour vous une bonne traduction ? Et pour vous ? Voilà, une bonne traduction pour moi, je vais me permettre de prendre une formule que j'avais déjà sortie ailleurs, une formule qui consiste à dire que j'ai bien servi deux maîtres, à savoir le texte d'origine et le futur lecteur. Alors, comment savoir si j'ai bien servi ces deux maîtres ? Écoutez, pour ma part, je n'ai que mon intime conviction. En espérant avoir été la plus honnête possible intellectuellement, et le reste, chacun juge. Et une mauvaise traduction ? Si vous voulez me demander mon avis, une mauvaise traduction pour moi, si vous voulez, même si vous ne m'avez pas posé. La question, c'est quand on se met beaucoup plus au service du moment, du marché, de l'éditeur que du texte de l'auteur. Moi, je pense qu'une mauvaise traduction, c'est avant toute chose une traduction qui serait dans un français inqualifiable. Avant toute chose. Merci Christine Laferrière, on se retrouve demain pour la suite de notre série Traduire, être soi dans l'ombre d'autrui. À demain. Of course you will not know a word of English. And if the chevalier asks as to the particularity of your accent, say you are a Hungarian. You served in the war. You left the army on account of weakness in the loins. You then served Monsieur de Quellenberg for 2 years. He's now with the army in Silesia, but you'll have a certificate signed by him. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel. Un autre jour est possible. Aujourd'hui. L'aube naît à l'horizon. Elle avance sur la mer, survole la plage déserte où Anita et Adèle s'étaient assises un soir de fête, remonte silencieusement la ville et passe sans arrêter dans la rue où, au numéro 7, un magasin de chaussures pour enfants a remplacé le cabinet d'architecture d'Adam. Elle arrive au sommet de la colline et reste un moment là, avec son gris, avec son flou, puis soudain dévale l'autre versant. Elle balaie les maisons, les rues, les arbres et les fleurs endormies sur les balcons. Dans les vallons, on dirait qu'elle danse, légère, discrète. Elle s'enfonce dans la forêt et recouvre le lac où personne ne s'aventure depuis qu'Adèle s'y est noyée il y a 4 ans, 5 mois et 13 jours. L'aube trouve Anita dans sa cuisine. Assise à une grande table en bois, dos aux larges baies vitrées qui donnent à voir pour quelques minutes encore quelques étoiles dans le ciel. Anita porte une longue jupe turquoise aux bords frangés par l'usure et un pull gris qui appartient à son mari, Adam. Elle n'a pas dormi cette nuit, elle a pensé à avant. Elle s'est souvenue des rêves oubliés, des actes manqués, elle a essayé de sonder son cœur, elle a pensé à Adèle. Maintenant, Anita est assise, les pieds nus, les yeux rouges, et attend que ce jour s'ouvre enfin d'un coup sec, comme le ferait une coque de noix solide et ridée. Bonjour Natacha Panna. Bonjour Tufik Hakem. Merci d'avoir lu avec moi le début de votre dernier roman édité chez Gallimard, en attendant demain. Alors, Anita et Adam sont un couple d'artistes. Ils se sont rencontrés, ils avaient la vingtaine. Anita a des velléités d'écrivain, elle écrit des petites nouvelles, des poèmes. Elle étudie pour être journaliste. Adam est un artiste, il étudie pour être architecte. Mais ils veulent un destin, ils veulent un grand projet, c'est-à-dire réussir à être artiste à part entière. Et... Parce qu'ils y croient, eux, qu'un autre jour est possible. Oui. Sauf que la vie n'est pas toujours facile pour eux. Oui, le quotidien. Ils déménagent de Paris parce qu'ils s'y sentent mal. Et le quotidien délite un peu tous ses rêves. Adam travaille dans un bureau. Lui qui voulait créer, concevoir des musées, des grandes bâtisses, se retrouve à être l'architecte des centres de conférences, des halls de gare. Et Anita devient localière, correspondante, comme on dit, pour un journal local. Et ils laissent de côté leur grand projet. Mais ils y pensent tout le temps. Ils se disent, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça nous a échappé? Et dès le début de votre roman, Natacha Panna, il y a Adèle, ou du moins l'absence d'Adèle. En tout cas, au début, oui, puisque... Le livre commence avec Adam qui est en prison et Anita qui l'attend. C'est l'aube, c'est le matin. Anita l'attend et Adèle n'est plus. Et elle va comme ça, enfin c'est la voix qui raconte le roman, comme un cœur romain, c'est le temps qui raconte le roman, qui va les retrouver quand ils avaient 20 ans, et puis quand ils ont 27 ans, et puis 30 ans, et puis 32 ans. Et installés dans la vie, ils vont rencontrer Adèle, une Mauricienne extrêmement séduisante, mais séduisante dans un sens presque mystérieux, mystique. Elle est grande, elle est belle, elle est aussi, elle porte un grand malheur, et elle va leur confier ce malheur-là, et tout à coup, le malheur d'Adèle, la vie d'Adèle, va les inspirer comme rien ne les a inspirés avant. Adam va commencer à peindre comme il a toujours voulu peindre. Et Anita va commencer à écrire comme elle a toujours voulu écrire. C'est un livre sur le couple, Natacha Appana. C'est un livre sur le temps, le couple et la création, je dirais. Adam et Anita sont des artistes, mais ils n'ont pas le talent. Ils voudraient avoir le talent. Ils voudraient être inspiré, mais d'où vient l'inspiration? Quand vient l'inspiration? À quel moment est-ce qu'on est toujours là quand l'inspiration est là? Est-ce qu'elle vient toujours du même endroit? Ils se posent toujours cette question-là. Et quand Adèle vient, ils se disent, c'est elle notre muse commune. Mais finalement, ils ne vont pas que s'inspirer de la vie d'Adèle, ils vont la phagocyter, puisque Adèle n'est pas au courant. Voilà, et je pense qu'on n'en dira pas plus. Natacha Appana, pour le personnage d'Adam, vous remerciez à la fin de votre roman l'artiste américain Ed Cohen, qui a accepté, dites-vous, que vous vous inspiriez de ses tableaux magnifiques et de sa technique de travail pour créer votre personnage d'Adam. Comment ? Alors Ed Cohen, j'ai eu le plaisir de le rencontrer à New York. Il travaille sans pinceau, en versant de la peinture, en faisant des émulsions de peinture. Il passe énormément de temps à préparer sa peinture, à préparer les mélanges et comment les bulles de peinture remontent à la surface. Et c'est la technique d'Adam. Et qui vous a inspiré, qui ou qu'est-ce qui vous a inspiré les personnages d'Anita et surtout d'Adèle? Oh, alors, voilà, vous posez une question qui est au centre du livre, d'où vient l'inspiration? Et en réalité, c'est le temps. Anita est un peu forcément de moi, un peu de mon expérience d'écrivain, mon expérience de journaliste, mon expérience de la patience, si vous voulez. Parfois, on voudrait que l'écriture vienne vite, que les choses soient comprises vite, mais elles ne le sont pas. Adèle, je ne sais pas très bien d'où elle vient, je dois avouer. Et pourtant, vous avez un point commun, c'est-à-dire les origines. Oui. Mais c'est le point qui me, si vous voulez, dans l'intimité de l'écriture, le fait qu'Adèle soit mauricienne et que Anita aussi, leur permet, dans la trame, de se retrouver sur des petites choses. Mais ce ne sont pas des expériences communes, ce sont des sensations communes. C'est-à-dire, elles peuvent parler de ce que c'est manger une mangue en décembre, de ce que c'est manger du pain chaud, de ce que c'est le soleil, de ce que c'est la pluie, évidemment. Donc, ce sont des sensations. Mais c'est important pour vous, Natacha Appana, qu'il y ait l'île Maurice aussi en arrière-fond dans ce roman? Je ne sais pas si c'est important. Mais comme je parle beaucoup de le fait de chercher sa place, je trouvais que le personnage d'Anita qui veut vraiment, vraiment être une Française, veut tout gommer de sa personnalité et après ça lui revient en frustration, ça lui revient en colère. Donc c'est pour ça, pour moi, c'était plus facile en tout cas qu'elle soit mauricienne. Est-ce que c'est le genre de questionnement qui vous traverse l'esprit depuis que vous êtes installée en France, Natacha Appana? C'est surtout le genre de questions qu'on me pose. Est-ce que votre pays vous manque? Est-ce que c'est pas trop dur d'être ici? Finalement, on se retrouve souvent face aux interrogations des autres. Et notre place à nous, on la choisit très tard, en fait. Parce que au début, on occupe la place que les autres veulent bien nous laisser, quand on est jeune, quand on vient d'arriver dans un pays. Et c'est beaucoup plus tard qu'on se dit « Non, c'est pas cette place-là que je veux. Moi, je ne veux pas renvoyer cette image-là. Moi, je veux être autre chose. » Ça se présente comment? Comme un duel? Comme un dilemme? Parce que l'île Maurice, vos origines sont tout à la fois présentes dans votre littérature, Natacha Appana. Et en même temps, on sent que votre seul pays, c'est quand même l'écriture, la littérature, et que vous n'avez pas attendu de changer de pays pour commencer à faire votre travail d'écrivain. Je crois que c'est un personnage, le pays, dans ce roman-là. Pour parler de moi, si vous voulez, je vis en France depuis très longtemps. Et aujourd'hui, l'île Maurice devient un personnage. Je ne peux pas... Quand vous dites très longtemps, vous êtes là depuis 1998. C'est ça. Mmh. Et mon présent, il est ici, si vous voulez. Et c'est pour ça que mes livres tournent beaucoup autour de ça, autour d'un présent qui n'est pas forcément lié à ce qu'on a vécu avant. On grandit dans un pays dans lequel on n'est pas né. Qu'est-ce que ça implique? Quelle est l'identité que ça donne au personnage? En attendant demain, de Natacha Appana est édité chez Gallimard. Natacha Appana, vous êtes aussi traductrice? Oui, j'ai traduit deux romans de l'anglais américain au français. Quel roman? Alors l'un est paru aux éditions Payot, s'appelle Indigne, et le deuxième chez Michel Lafon, qui s'appelle Le voyage de Ruth. C'est la nounou de Scarlett, De temps en emporte le vent, qui raconte son histoire. Comment êtes-vous arrivée à devenir traductrice, Natacha Appana? J'ai eu la chance d'avoir une éducation bilingue et j'ai toujours écrit en anglais aussi, des petites nouvelles ou des articles, puisque j'ai une formation de journaliste. Et ensuite, je voulais aborder cet autre langue, l'angle de l'écriture. Je trouve que c'est un travail formidable de traduire, puisque moi j'ai eu de la chance de travailler avec ceux qui traduisent mes livres. Et il découvre des choses dans mon écriture que moi-même, je n'avais pas soupçonnées. Et je voulais explorer ça. J'ai eu la chance de le faire deux fois. Et comment définiriez-vous ce métier de traducteur, de traductrice, Natacha Appana, pour finir? Ah, c'est le prolongement de l'écrivain. Et pourtant, on se met à l'ombre, on est plutôt soumis à un écrivain, non? Oui, mais l'ombre n'est pas péjorative, pas du tout. C'est-à-dire? Ah ben c'est bien d'être dans l'ombre, parce que c'est pas l'écrivain, c'est être au service de l'écriture, au service d'une voix VOX particulière, et là il n'y a pas de question d'ombre et de lumière, c'est l'écriture qui est au centre. Et comment différenciez-vous vos deux métiers, traductrice et écrivaine, Natacha Appana? Très simplement. C'est-à-dire? Mais quand j'écris, c'est une intimité différente, alors que quand je traduis, ce n'est pas mon intimité, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'un autre, que j'essaye de rendre la plus authentique possible dans une autre langue. Merci d'être passée ce matin, Natacha Appana. Merci.